pas goalkeeper, mais t'inquiète, j'ai le bras long. J'ai plus le temps de plaisanter, j'aime pas trop me présenter. Quand je sors de la maison, je laisse mon cœur me noter. J'ai plus le temps de plaisanter, j'aime pas trop me présenter. Quand je sors de la maison, je laisse mon cœur me noter. Comme toi, je tournais en rond, tu connais. J'écrivais des textes toute la journée, studio toute la noche, sous le soleil capuché. Comme toi, je tournais en rond, tu connais. J'écrivais des textes toute la journée, studio toute la noche, sous le soleil capuché.